2:10, observation. Personal subject pronouns, third person. Masculin singulier, le professeur, Hubert, Fido, il. Féminin singulier, la jeune fille, la dame, Mireille, elle. Masculin pluriel, les étudiants, Hubert et Ousmane, Hubert et Mireille, ils. Les jeunes filles, les dames, Mireille et Colette, elles.